bonsoir. Bienvenue à Sur la transversale, la varlope, toi. La volée. Frappe un mur, toi. J'aime ça vendre les murs, on a frappé un mur. Frappé un mur qui s'appelle la révolution. Méchante révolution, toi, hier. Hier soir à Foxborough. 4-0 pour la révolution contre l'Impact de Montréal. Le match a changé du tout au tout à la 14e minute, évidemment, avec l'appel du carton rouge sur Saphir Taider. Et oui, et non, c'est un appel qui est correct. José Carlos Rivero a appelé le carton rouge sur Taider à la 14e minute et c'était mérité. Et on va faire on va regarder ça ensemble, justement, si vous nous écoutez en direct. En vidéo, vous pouvez toujours le faire en passant bonjour. Bienvenue sur la transversale, Kev Laramé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @KevLaramé, KevLaramee, et aussi sur Facebook, Kev Laramé. Vous pouvez me trouver facilement. Vous pouvez nous écouter en direct toujours au youtube.com Sports Podcasting Network qui du lundi au vendredi. Vous pouvez m'entendre sur l'émission Soccer Today en anglais, parlant de l'Amérique du Nord, du soccer, du foot. Avec une perspective nord-américaine, parlons du match de l'Impact et regardons un peu la faute de Taider. On va regarder un peu sur, si vous voulez me suivre sur l'écran, si vous écoutez en direct, on peut voir, c'est accidentel. Ouais, mais c'est accidentel, mais c'était quand même une faute qui méritait un carton rouge, comme on peut le voir et le revoir. C'était une faute qui était involontaire, mais digne d'un carton rouge. Et c'est quand même assez surprenant, au moins, que Luis Caicedo a continué à jouer et a terminé le match aussi en subissant un carton jaune, même à la 85e minute. Saphir Taider est allé voir Luis Caicedo après le match pour s'excuser du coup dangereux. C'était un coup qui aurait pu amener comme résultat une cassure d'un tibia, d'un péroné, facilement. Et donc, selon les règles du jeu, selon les règles du foot, du soccer, si l'intégrité physique du joueur est mise en cause, c'est digne d'un carton rouge direct. Et c'est ce qui est arrivé ici. L'intégrité physique du joueur, donc la santé physique du joueur, c'est ses os qui ne sont pas brisés, évidemment, avant de jouer, c'est ce qui est écrit dans le livre. Et comme on peut voir encore une fois, ce coup de Saphir Taider met en péril l'intégrité de son tibia. Et c'est ce qui résulte à un carton rouge direct. Et avant ce carton rouge direct pour Montréal, pour Saphir, Montréal avait quand même une bonne idée. C'est de jeu. Quand même pas réussi à briser autant le dernier tiers en 15 minutes que contre Seattle, mais contenait un petit peu bien aussi les certaines offenses de New England. Mais c'était quand même tôt. 15 minutes, c'est quand même tôt pour établir un jeu de possession. Mais Montréal avait la grande majorité de la possession jusqu'à la 15e minute. Et c'est là que tout a changé. Ce carton rouge suivi du but de Teal Bunbury. Un de nos préférés, hein? Non, pas vraiment. Et si vous ne connaissez pas Teal Bunbury, si vous êtes nouveau à suivre le foot nord-américain seulement depuis que l'Impact a joint la MLS ou que depuis quelques années, vous avez peut-être manqué ça. Teal Bunbury est le fils, en passant, de Alex Bunbury, qui est un des grands internationaux canadiens, que vous pouvez entendre sur les ondes de Soccer Today. Il y a quelques mois, on l'a reçu, Alex Bunbury, à l'émission. Donc, si vous faites une recherche sur nos archives, vous allez pouvoir entendre le père de Teal Bunbury nous parler un peu de ses exploits, nous parler un peu de ce qu'il fait aussi, nous parler un peu de Teal. Donc, c'est quand même très intéressant. Teal, qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis au Canada, et Dwayne Rollins, mon co-animateur de l'émission Soccer Today, durant son ancien podcast, il y a plusieurs années, il y a quasiment 10 ans maintenant, It's Called Football, dans le temps, avait reçu Teal Bunbury à l'émission seulement quelques jours avant que Teal Bunbury annonce qu'il acceptait l'invitation de l'équipe nationale américaine au lieu de celle canadienne pour ce qui est de sa carrière internationale. Mais Teal Bunbury avait mentionné seulement quelques jours avant, en direct, à mon collègue Dwayne Rollins, je suis Canadien, puis je vais jouer pour le Canada. Et non. Et on sait que Teal grandit dans la région de Minnesota, où Alex demeure toujours. Et la sœur de Teal est une actrice qui joue dans une télésérie américaine sur le baseball aussi. Donc, une famille très, très, beaucoup de succès, très successful, que j'allais dire dans mon français, mais Teal Bunbury, notre préféré qui refuse de jouer pour le Canada et qui a choisi les États-Unis, a marqué le premier but contre l'Impact et Teal Bunbury et la Révolution, c'est 1-0. Et maintenant, après ce but, c'est là qu'on a vu les vraies émotions de Rémi Garde et de sa rencontre et sa découverte. On parle d'une année de découverte pour Rémi Garde depuis quelques semaines. Rémi Garde découvre les arbitres de la Ligue Major League, la Major League Soccer. Les arbitres pro. Bienvenue Rémi. Et sur le but de Teal Bunbury, il y avait contestation au niveau de l'Impact de Montréal en disant que Krolicki avait été poussé. Mais peut-être que oui, peut-être que non, on va voir. Mais quelques moments plus tard, après c'est encore une fois 1-0, l'Impact est... Ah! Un fort dans la boîte pour l'Impact. Et c'est un penalty appelé pour la Révolution. Vous pouvez en juger par vous-même. C'était un penalty qui était quand même mérité, une faute de Victor Cabrera auprès de la boîte. Et il y a une autre faute tout de suite après aussi sur l'autre joueur de la Nouvelle-Angleterre, comme vous pouvez voir à la télévision. C'était quand même un, je dirais, un jeu qui méritait un penalty aussi. Et José Carlos Rivero se disant, « Ouais, mais j'ai déjà donné un carton rouge. Est-ce que je donne le... » Ben oui, il faut. Une faute, c'est une faute. Puis si c'est une faute dans la boîte, ben c'est un penalty. Je pointe au petit piton blanc. Puis on met le ballon là. Puis c'est ça. Mais, pour une rare fois, l'Impact a été sauvé. Et cette fois-ci, c'est par bouche. Quel arrêt! Quel arrêt! OK, c'était pas le meilleur penalty tiré par Fagundes. Mais je dois dire, cet arrêt de bouche nous montre que même si Bush, c'est pas son meilleur match de saison, il a connu d'autres meilleurs matchs et on va parler du quatrième but des Revs, qui est un petit peu la cause du manque de jugement du ballon dans les airs de Evan Bush. Sur ce jeu, on va le voir dans quelques instants. Mais ce penalty que Montréal a sauvé de Diego Fagundes a donné un certain élan à Montréal à la 35e minute au premier demi, mais cet élan n'a pas rien donné. Et ça l'a malheureusement tourné au vinaigre quelques minutes plus tard lorsque Andrew Farrell a marqué son premier but dans la MLS. De temps, ça fait de, bon, c'est un défenseur, ça veut dire. Oh oui, là. Mais quand même, un premier but pour Andrew Farrell avec le Revolution. Et ça paraissait dans son visage lorsqu'il a marqué. Il est très, très, très content, le Andrew. Et ses 2-0. Et Montréal est rentré au vestiaire avec ce déficit, ce retard de 2 buts. C'est un match à oublier pour Montréal. On se l'entend, là. C'est une varlope. C'est une volée. Ça a mal tourné. Tu t'es fâché contre la mauvaise personne, puis t'as mangé un coup poissonné. Puis ça saigne, puis tu vois plus rien. Puis tu fais marquer des buts. C'était ça le match, là. La 15e minute, ça coule poissonné, là. La carton rouge, c'était ce qu'on peut appeler le moment décisif. Le TSN Turning Point. Le moment clé RDS. Ça existe-tu, ça? Le moment clé TVA Sport. Le moment clé TSN. Le moment clé SportsCenter. On va toutes les dire comme ça. Au moins, il n'y aura pas de favoritisme. Mais c'était quand même le moment qui a tout changé sur carton rouge. Rémi Garde, en parlant de sa découverte des arbitres pro, des arbitres de la MLS, Rémi Garde doit se faire aussi un peu silencieux, j'imagine. Rémi Garde est à la veille de recevoir des tapes sur les doigts de la part de la Major League Soccer, selon moi, pour ses commentaires sur les lignes de côté. Et pas seulement Rémi Garde, surtout aussi Joël Batts. Oui, c'est de la passion et on aime ça. Et je ne suis pas contre, je fais juste mentionner les faits ici. On ne peut faire de signes de vidéo envers l'arbitre. Et lors du but de Teal Bunbury, dont l'Impact se... dont le staff technique de l'Impact se plaignait de contact avec Krolicki et d'une faute sur Krolicki sur le jeu. Il mentionnait, allez voir la vidéo, faisait la boîte, faisait le signe de la boîte. Mais ça, c'est pas accepté. Ce n'est pas voulu. Et je crois que si ça continue comme ça, Rémi Garde et ses adjoints se seront faire quelques coups de règle sur les jointures parce que ce n'est pas accepté. Oui, il y a peut-être un certain mouvement, un certain fondement, mais quand même, ce n'est pas des comportements que la Ligue accepte habituellement. Et en espérant que Rémi Garde ne soit pas suspendu très bientôt, mais je crois que c'est... On a vu l'arbitre, on a vu José Carlos Rivero prendre le temps, il était à l'extrémité du terrain, prendre le temps de courir, d'aller voir Rémy Garde et ses adjoints, de leur mentionner de ne plus faire ce geste et de ne plus mentionner la vidéo. Ce n'est pas de leur ressort et ce n'est pas accepté d'avoir telle demande. Donc, l'arbitre en chef du match, M. Rivero, pas Rivero, mais Rivero, a demandé à Rémy Garde et à son staff d'arrêter ça. Donc, ça retrouve sûrement dans son rapport de pré-match. Ici, il y a quelques remarques comme ça qui se ramassent dans le dossier de Rémy Garde. Éventuellement, on pourrait voir des sanctions apportées par la MLS. Mais il y a une chose qui m'a vraiment mis en... qui m'a vraiment fait fâcher. Ah, je vous dis, j'écoutais l'émission, j'ai vu ça, là. Des fois, les fans vont trop loin. Des fois, les fans, en voulant faire des jokes bien comiques, bien drôles, là, mais on va bien trop loin. On amène ça à un autre niveau, puis c'est pas accepté. Moi, là, me faire dire, là, que le sirop d'érable de la Nouvelle-Angleterre est meilleur que le sirop du Québec, là, non, non, non, non. Ça, là, ça va trop loin. J'espère qu'il va y avoir des sanctions. Dire des faussetés comme ça sur une pancarte dans les stades ne devrait pas être accepté. C'est pas vrai. Votre sirop, il est pas aussi bon que le nôtre. Votre sirop, il est pas aussi collant, il est pas aussi sucré, puis il est un petit peu pas aussi bon, OK? Là? Je vous le dis, croyez-moi pas, ça, ce n'est pas de mon ressort, mais moi, je vous le dis, vous avez tort. Le sirop du Québec est 1000 fois meilleur que le sirop de la Nouvelle-Angleterre. Puis ça, monsieur fan du Révolution, premièrement, ça existe, ça, des fans de la Révolution? Des fans du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, il y en a-tu bien gros, là? Parce que quand je regardais le match, je n'en voyais pas gros, là. Autant qu'on peut chialer sur les assistances du Stade olympique, là. Moi, au moins, quand je regarde l'assistance du Stade olympique, je suis pas capable d'y nommer. Mais hier, moi, je connais pas grand monde à Boston, là. Mais on a mis une bonne centaine, puis ça pourrait la moitié de l'assistance qu'il y avait hier. Fait que ne venez pas me dire que notre sirop est meilleur que le nôtre, parce que c'est pas vrai, OK? Le meilleur sirop d'érable au monde, c'est au Québec. Puis ça... Je n'ai pas m'obstiné avec ça, c'est-tu clair? Là? Bon, quoi d'autre de dire? Là? C'est une varlope, une volée. Impact a mangé 4 buts. Mais le 4e but m'a déçu. Et voici pourquoi. Un coup de pied de coin, Evan Bush saute, il s'arrive, il s'arrête. Enfin, comme s'il y avait une mouche dans les airs. Mais manque le ballon. Ballon tombe sur le pied de Acedo. Et c'est 4-0. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur de concentration partie. OK, c'est une erreur, il nous manque un joueur, puis c'est 3-0, là. Je vous l'accorde. Autant que j'ai parlé des bonnes performances d'Evan Bush et de la confiance montée durant les derniers matchs, en espérant que ce match-ci ne laisse pas de traces dans le travail d'Evan Bush. Ce but, le 4e but, oui, je suis peut-être un petit peu dur, mais je le mets sur le jugement de la balle, dans les airs d'Evan Bush. Regardez comment il saute de la ligne. Premièrement, il est déjà loin de sa ligne. Il voit le ballon. Il est déjà trop avancé avant même que le ballon termine sa rotation et donc termine sa trajectoire réelle. Il pouvait pas juger de la trajectoire du réel du ballon. Il était déjà en dessous du ballon quand le ballon continuait à curver, là, en bon français. Là. Quand le ballon continuait à courber puis à s'enrouler autour de la position d'Evan Bush, mais il était déjà en dessous du ballon, au lieu d'être placé dans une position pour juger correctement de la trajectoire du ballon. Puis ce 4e but-là, autant que vous allez me dire, oh, c'est pas grave, c'est déjà 3-0, ça change quoi le 4e but, là? Mais le 4e but, il change que la fierté n'était pas là. Le 4e but, il change que la concentration n'était pas là. Puis si c'était moi le coach, à cause, j'espère juste là, qu'en fin de saison, l'impact ne sera pas à égalité en 6e, 7e position, là, puis qu'on va manquer les séries à cause du différentiel. Parce que à cause des erreurs de concentration comme ça, qu'au bout d'une saison de 34 matchs, là, 3-4 buts c'était là accordés en fin de match, pas à cause que ça résulte d'un temps de match ou d'un manque de concentration, là. Un but parce que c'est déjà 3-0, puis on a lâché prise, on a lâché celle-là. C'est à cause de cette attitude-là que le 4e but rentre comme ça. Puis j'espère juste qu'à la fin de la saison, là. Parce que des fois, là, c'est tellement serré pour savoir si tu fais les séries ou si tu les fais pas, c'est l'avantage du terrain ou si tu l'as pas, ou si carrément t'es premier ou deuxième ou troisième ou sixième ou quatrième, là. C'est tellement serré en Major League Soccer, des fois qu'un but, là, peut faire la différence au différentiel de but. Là. Parce que si le nombre de victoires est égal, puis c'est ça. Ça s'en va au différentiel. En espérant juste que ce but-là ne revienne pas hanter Montréal. Pas parce que ça aurait changé quelque chose dans ça. Ça, c'est un match oublié, un match perdu, fine. Mais tu le perds à 2-0, tu le perds 4-0, tu l'as perdu. Mais au moins à 2-0, tu n'as pas deux buts qui vont venir peut-être potentiellement te hanter 8 mois plus tard. Là. En espérant que ce but-là ne se sera pas le cas. Mais regardez ça, là. Il a manqué le ballon. Il a manqué le jugement de ballon. Pas confiance sur cette sortie. Pourtant, il y avait une grosse amélioration sur les sorties, mais je blâme ça sur le match, sur les frustrations, sur l'accumulation de frustrations dans ce match. Premièrement, on n'a pas parlé de l'absence de Nacho Piatti. Nacho Piatti n'était pas présent, n'a pas fait le voyage. Et ça, autant que la présence de Nacho Piatti et sa générosité au Nacho, extra fromage, en étage, en 2018, avec ses passes et ses distributions et l'implication de ses coéquipiers dans son jeu aussi, une certaine confiance qu'il donnait à ses coéquipiers, son absence a apporté aussi un manque de contribution offensive au dernier tiers. Et autant que Jackson Hamel a voulu, Jackson Hamel, c'est pas Piatti. Là. Jackson Hamel, c'est pas le même type de joueur, n'a pas les mêmes qualités, il n'a pas les mêmes convictions avec le ballon à ses pieds. Pour marquer, oui, fine, pas de problème. Mais ce que Piatti fait depuis le début de la saison, qui a amené à des très bons résultats pour Montréal durant les deux derniers matchs, c'est pas marqué. Oui, ça arrive, là. Mais c'est construire, c'est dribbler, c'est de créer une opportunité de rien. Et ça, c'est pas arrivé hier soir. Ça n'a pas passé proche d'arriver. Et je, malheureusement, c'est un peu dû à l'absence de Nacho Piatti. Nacho, blessure, plus un inconfort avec lequel l'entraîneur ne voulait prendre aucun risque. Et surtout, sur la surface synthétique du Gillette Stadium à Foxborough, il ne voulait pas amener la perfection masculine en tant que telle qui est Nacho Piatti au stade Gillette. Oui, Gillette, perfection masculine. Mais si c'était pas du surface synthétique du stade Gillette, je crois qu'on aurait peut-être vu Nacho, mais là, c'était l'opportunité de le ménager, l'opportunité de lui sauver un voyage en avion, de lui donner un petit week-end de congé. Et Nacho, reste à la maison, fait pas beau dehors, fait froid, repose-toi. Puis c'est l'opportunité de ça en fin de semaine. Donc, c'est ce qui explique en plus une semaine écourcie avec un match un vendredi au lieu d'un samedi. La seule fois de l'année où l'Impact va jouer un vendredi soir, et c'était hier, c'est le fameux Friday Night Match. Friday Night Match Night? En tout cas, la soirée du soccer sur TSN et CTV. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Hein. Les opportunités que l'Impact a eues, malheureusement, on ne les a pas toutes utilisées. 4-0 hier, j'ai vu une histoire sur les réseaux sociaux. Un auditeur et un de nos followers, un de nos abonnés, sur les réseaux sociaux, mentionnait que dans son gymnase de l'école, hier, après pour le match, ben c'était plein. Plein pour regarder la diffusion du match de l'Impact de Montréal. Malheureusement, 4-0, ça laisse pas un bon goût dans la bouche en sortant du gymnase de l'école. Mais c'est intéressant de voir ces agglutinements de personnes ensemble pour regarder les matchs. Cette passion, cette ferveur de... On commence ça jeune. Je me rappelle même pas, moi, quand j'étais à l'école, d'avoir des soirées comme ça de semaine. Parce que une saison régulière d'un match. Ah, oh, regardons le match du Canadien. OK, au Cégep, dans l'Agora. Mais c'est autre chose. On parle d'au Cégep, dans l'Agora, où ce que j'ai pas vu pendant toutes mes cours en 2002, ben j'ai regardé les Olympiques, par exemple. Ça, oui. Ça, c'est pas dans l'Agora. À l'Agora, au Cégep, je regardais les Olympiques. Les cours, c'est quoi ça? Non, je regardais. C'est peut-être pour ça que je fais du podcast aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand on pense à une identité foot, identité soccer, identité montréalaise, québécoise, pas vu ça souvent, mais des écoles qui présentent le match dans le gymnase un vendredi soir en invitant les jeunes. C'est pas beau, ça. C'est le fun. J'aimerais ça. Si vous avez d'autres histoires comme ça, partagez-les-moi, s'il vous plaît. @KevLaramie sur Transversal, ou si vous pouvez nous rejoindre. Merci de nous avoir écoutés dans cet après-match. pas grand-chose à dire. Hein, tu sais, quand c'est 4-0, puis sur la route à New England, c'est à part ça, là. Donc, on Saphir Tader est absent pour le prochain match de l'Impact qui aura lieu la semaine prochaine, le 14 avril, Red Bulls, je crois. Donc, on va avoir un avant-match plus tard cette semaine. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre en direct du lundi au vendredi, notre émission anglophone Soccer Today, sur ce post ici, sur YouTube. youtube.com/sportspodcastnetwork. Et pour les amateurs de soccer canadien, nous avons une nouvelle plateforme payante, oui, 2$ par mois, vous donne accès à l'émission exclusive surnommée de Two Solitude Soccer Podcast. Et si vous aimez le soccer canadien, c'est une émission entièrement dédiée à la nouvelle Ligue première canadienne et au soccer canadien. Et la première émission est disponible, moi-même avec Keaton Robbins. Nous parlons de qu'est-ce que le Canadian Soccer Business, qu'est-ce que la Canadian Premier League pour nous, et qu'est-ce que cela représente dans le futur pour des villes au Québec comme Trois-Rivières, Québec, Montréal, Laval, peut-être. Et on en parle dans l'émission exclusive The Two Solitude Soccer Podcast que vous pouvez écouter seulement sur Patreon, patreon.com/sportspodcastingnetwork. Avec un abonnement de 2$ par mois, vous allez avoir un code spécial que vous mettez dans votre application préférée pour les balados de diffusion et vous avez accès à l'émission exclusive. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner sur la transversale sur Balado Québec et partout où ce que vous trouvez vos balados de diffusion, le Apple Podcast, le Google Play Store et aussi sur demande au Sports Podcasting Network. Encore une fois, merci de votre confiance, merci de votre temps et de votre écoute. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bon soccer. We'll be right back.